France Inter, le 13-14. Jean Lebrun, le vif de l'histoire, la polémique française, état agile ou état obèse, sample, vieille comme le monde carrément, le mot bureaucratie apparaît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le mot fonctionnarisme en 1872. Allez, un mot d'esprit qui va faire hurler de l'autre côté du poste, la France produit d'abondance le blé, le vin et les fonctionnaires. Avec le livre dont je vais vous parler, Trop de fonctionnaires, une obsession française, on ne plaisante pas, Bruno. L'auteur s'appelle Émilien Ruiz, il est assistant de professeur à Sciences Po. Ça vous pose une institution française hein, d'utiliser l'anglais. Ruiz voudrait que le débat public se fonde sur des chiffres et il prêche pour une histoire quantitative des fonctionnaires. Et alors surgit la première difficulté, la définition juridique du fonctionnaire n'ayant jamais été stabilisée, il est bien malaisé de fonder des comparaisons entre les époques, ni même de se mettre d'accord sur des chiffres globaux. Bon, ça n'empêche pas beaucoup de leaders politiques de jeter sur la table d'innombrables propositions de diminution du nombre de fonctionnaires. Saint-Just, déjà, devant la Convention, disait « il faut renvoyer ces milliers de sceaux qui empêchent la République d'avancer ». Un énarque de la promotion Saint-Just, Jean Choussa, nommé par la gauche, fin 81, directeur du budget, contribua à imposer ce qu'on appelle en novlangue une approche budget. Il dit d'abord zéro augmentation, puis il dessine à l'horizon l'objectif de 500 000 suppressions. Chiffre repris par Fillon, 2017, Juppé tablait plutôt sur 300 000, Macron 120 000, aujourd'hui Pécresse parle de 200 000, alors que Ciotti surenchérissait 250 000. Oui, mais dans l'histoire, ceux qui proposaient d'élaguer le plus ont parfois été ceux qui embauchèrent le plus. Dans l'entre-deux-guerres, un grand homme d'État de droite conséquent, André Tardieu, observait que l'augmentation du nombre des fonctionnaires était d'abord un effet de la multiplication des rôles qu'on attribuait à l'État. Et chacune des deux guerres va amener un palier inédit. Pendant la première, il faut bien organiser la production industrielle, le ravitaillement, et après la victoire, les régions libérées. Quant au régime de Pétain, c'est lui qui va recruter le plus. Mais chaque fois qu'il y a une augmentation massive, il y a un mouvement inverse qui tente de revenir en arrière. L'approche budget au début des années 20, c'est de supprimer quelques 40 000 postes. Il en reste toujours 140 000 de plus qu'en 14. Les communistes, après la deuxième guerre, eux-mêmes sont partisans de l'amputation, mais pour se débarrasser de ceux qui étaient entrés dans l'administration sous Pétain, à regarder les chiffres, le seul résultat auquel on est parvenu après les guerres, c'est le ralentissement de l'augmentation. Alors, où y a-t-il du jeu, selon l'historien ? La frontière mouvante entre titulaires et contractuels, des fonctions d'autorité peuvent être exercées maintenant par des contractuels qui sont seulement de passage. Pour défendre cette option, Emmanuel Macron a ainsi repris le vocabulaire qui dénonce l'immobilisme d'un État profond, établi, qui s'opposerait à l'esprit de réforme. Les titulaires, on le sait, s'inscrivent dans un statut. On a oublié que la première mouture en a été rédigée sous Pétain, toujours lui, en 41, avec l'intention de surveiller les fonctionnaires. Les dispositions en vigueur aujourd'hui datent de 46, 83. Elles garantissent l'indépendance des personnels. Alors l'hypothèse d'Émilien Ruiz, les diminutions à la hache affichées dans les campagnes électorales étant inatteignables, le seul objectif réel qui est peut-être visé, c'est la modification profonde, voire le renversement du rapport titulaire contractuel. Et ça, c'est en effet possible. Émilien Ruiz, Trop de fonctionnaires, histoire d'une obsession française. France Inter.